cours numéro 37. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Mada akhadna fi darsina al-akhir? من استهزاء بشيء من دين الله عز وجل فهو كافر. فلماذا ذكر هذا الباب هنا رحمه الله؟ تفضل. لأن الاستهزاء بشيء فيما بشيء فيه ذكر الله القرآن والرسول هو كفر منافي التوحيد. أحسنت. هذا الباب من الأبواب التي أراد بها المؤلف رحمه الله بيان ما ينافي التوحيد. certains chapitres que Cheikh al-Islam il a cité رحمه الله في هذا المتن c'est pour montrer أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر ça annule complètement التوحيد عيادا بالله. et parmi ces annulatifs الاستهزاء, se moquer. ما الدليل أن الاستهزاء كفر أكبر؟ تفضل. قول الله تعالى: قل بالله بآيات رسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أحسنت. قد كفرتم بعد إيمانكم. وتقدم معنا في الباب سبب نزول الآية. أي المنافق على الصحيح استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله عنهم. Il s'est moqué du prophète alayhi salatu wasalam et de ses compagnons, radiyallahu anhum. Fanazalat al-aya. Tfaddal, iqra bab al-yawm. قال لما تغشاها أدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي يخرجكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيدين فيخرج من بطنك فيشقه ولفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكرهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما رؤون بحاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا وذكر معنا عن الحسن وسعيد وغيرهما. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الآية. هذا الباب في ما يتعلق بالتعبيد لغير الله عز وجل في التسمية, أي appeler nommer son enfant avec un اسم وفيه تعبيد لغير الله. التعبيد c'est le fait de dire عبد, عبد الله, عبد الرحمن, عبد العزيز. هذا تعبيد لله. أي après le mot عبد il y a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما citer autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, citer le nom d'un makhluq كائنا من كان فلا يجوز. لماذا؟ لأن البشر c'est des عباد لله subhanahu wa ta'ala. أما si عياد بالله واحد il appelle son fils عبد et avec le nom d'un makhluq أي تعبيد للمخلوق فهذا عياذا بالله نوع من الشرك. فلهذا شيخ الإسلام إلى سيتي هذا الباب هنا. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص: مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة. شرك في الطاعة وكفر للنعمة. أما قوله كفر في للنعمة لأن هذا الولد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الأب على هذه الأم. C'est un bienfait d'Allah سبحانه وتعالى. Le fait de l'appeler avec ce nom et un ta'bid, abd, avec le nom d'un makhluq, هذا من كفر النعم. لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الولد. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a facilité à cet homme et à cette femme d'avoir cet enfant. Thumma, au lieu d'être reconnaissant et de donner un nom mashrou', imma anum vihi ta'bidun lillah, ka abdillah ou abdirrahman ila akhari, imma le nom d'un prophète ou d'un messager ou d'un sahabi, al-muhim un nom qui ma vie haram, qui ne contredit pas le Coran et le Sunna. Amma ta'bid li ghayrillah, c'est très grave. C'est du shirk. فلهذا قال الشيخ البوزان شرك في الطاعة وكفر للنعمة. Et c'est pour ça que le mu'allif رحمه الله il a cité هذا الباب هنا. لأن ses prénoms عبد النبي, عبد الكعبة, عبد الحارث كما في الحديث ou autre, أي من المخلوقات, c'est du shirk. Ça contredit التوحيد. Est-ce que c'est du shirk akbar am asghar? Qala Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah fi i'anat al-mustafid, ta'bidu al-asma' li ghayrillah shirkun yunafi kamal at-tawhid in kana al-maqsud mujarrad at-tasmiyah. Si c'est qu'une tasmiyah, ay la ya'taqid, il a pas la conviction, la croyance, anna son enfant c'est un 'abd, il va adorer tel makhlouq. Ça reste qu'un love et un prénom qu'il va prononcer, là, qu'il sait que lui-même c'est un Abdillah et son enfant c'est un Abdillah. Ça annule, ça fait diminuer le tawhid. Et c'est du shirk asghar. Ça reste du shirk, là, ça ne fait pas sortir de l'islam. Et ça, c'est qasdu haoula qui donne ses prénoms en général. Tu trouves Wa'd al-Muslimin, مثلاً, ils appellent leur enfant Abdul Nabi. Il n'a pas la aqida, la croyance, la conviction, son fils, il doit adorer le Nabi, et c'est pour ça qu'il l'a appelé Abdul Nabi, et le Nabi mérite l'adoration, là. Ha'oula, kathir minhum, c'est bisabab al-jahl. Ils ne connaissent pas ma'ani, ou ma'na al-ta'bid. Et le fait de dire Abd, et après citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne connaissent pas l'al-ma'na. C'est pour ça que, à cause de l'ignorance, ils ont pensé que quand tu aimes une chose, tu peux dire Abd al-Nabi, Abd al-Ka'ba, Abd et d'autres parmi les créatures. Et هذا كثير من هؤلاء وقعوا هذا بسبب الجهل. أما لو قصدوا كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله, أما إن كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. نعم. Un masiwa hadil appelle son enfant Ayadam Billah Abd et il cite un makhlouq après et sa aqida, sa conviction, il pense que c'est permis d'adorer hada al-makhlouq, c'est pour ça qu'il a donné ce prénom à son enfant, il espère que son enfant il adorera hada al-makhlouq, cette créature. Voilà, chacun hada, c'est du shirk akbar. Lakin kama taqaddam, en général, c'est le premier cas. Aïe fi al-muslimin, amma. أما الكفرة ففي الجاهلية يدوني ce genre de prénom عبد الشمس وعبد الكعبة إلى آخر عيدا بالله. كلام شيخ الفوزان الثاني في إعانة المستفيد. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. فنقل الإجماع أن هذا سيحرام, أي التعبيد لغير الله. إلى ست من اكسبسيون هنا صف عبد المطلب en se basant sur le hadith المؤلف أو المحقق إلى ست في الحاشية قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أنا ابن عبد المطلب. فابن حزم ظن أن لفت كن النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى إلى ديست فخاز إلى سيتي سنو سامونتر كو سي بيرمي, وهذا سي با صحيح, لأن هذا سي مجرد إخبار كما قال أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم إلى انفورمي أنه سي لو فيس دو عبد المطلب, سا فو با دير كيل أكسبتي سو برينو أو كو سو برينو إلي ليجيفيري, لا, سي ان إخبار, سي ان انفورماسيون. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il aurait changé son nom, Rubama, Annas, ils n'auraient pas compris. C'est qui cet homme qui cite? Alors que Abd al-Muttalib, il était connu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le nom de son grand-père, Abdul Muttalib, sans le changer, Mimbab al-Ikhbar. Pour les informer, Anahu, c'est le fils de Abdul Muttalib. Ça ne montre pas que c'est permis. Falihada, celui qui appelle son fils al-Yawm Abdul Muttalib, fala yajouz. C'est haram. Lianahu ta'bidun li ghayrillah. Qala Sheikh al-Fawzan, hafidahullah. Walakin laysa al-amr kama qala rahimahullah. Ay, Ibn Hazm. Fala yajouz. أن يسمي أحد الآن أو أن يسمى أحد الآن عبد المطلب فبقي الحديث أنا عبد المطلب فالبعض peuvent penser que vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est que c'est permis là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a informé que c'est le fils de عبد المطلب مثلا أنت tu informes que tu es le fils de un tel tu parles à واحد tu veux lui montrer que tu es le fils de un tel et ton père ou ton grand-père il a un nom haram إما تعبيد لغير الله إما نون كي فيه تزكية إما نون دو كافر مهم نون كي حرام est-ce que ça veut dire que quand tu informes que tu acceptes ce prénom et tu aimes ce prénom là là tu le cites les madames bab l'ikhbar pour que la personne avec qui tu parles il sait de qui tu parles aïe que ton père ou ton grand-père c'est fulan fa min hadha al bab wa illa fa nabi sallallahu alayhi wa sallam il a haram, il a changé comme min hadhi al-asma alayhi salatu wasalam certains sahaba qui avaient ces prénoms avant l'islam, au Nabi sallallahu alayhi wa sallam il les a changés fa ala kulli hal, il n'y a pas d'exception c'est haram al-ta'bid li ghayrillah al-tasmiya bi abd Umar ou abd al-Ka'ba les exemples qu'il a cités ou abd al-Muttalib ou autres fa c'est haram قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية قال أي من الفيرسي كنا لي من سورة الأعراف المؤلف إلى السيتي في المتن فلما آتاهما صالحا قال لما تغشاها آدم حملت أي لفام دو آدم حواء فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعنني أيضا رواية لتطيعنني قال ينظر est-ce que c'est une autre رواية أو est-ce que c'est certains في المتن qui ont changé قال أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا افعلن ولا افعلن يخوفهما سمي عبد الحارث c'est ça le shahid اي حواء la femme de Adam عليه السلام quand elle est tombée enceinte فالشيطان il a essayé de lui faire peur انها si elle appelle pas son fils عبد الحارث et c'est ta'bidun li ghayrillah. Il va faire kada wa kada wa kada. Fa abaya, ils ont refusé de l'appeler Abd al-Harith. Fa abaya an yuti'a fa kharaja mayitan. Quand ils ont refusé d'obéir à Iblis, l'enfant, quand il est né, il était mort. Qala thumma hamalat, elle est tombée enceinte une deuxième fois. Fa atahuma fa qala mitla qawlihi fa abaya an yuti'a. Deuxième fois qu'elle est tombée enceinte, l'enfant, quand il est né, le nouveau-né, il était mort. ثُمَّ حَمَلَتْ فَآتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ Et la troisième fois, la même chose, et ils avaient le désir d'avoir cet enfant, et vivant. فَسَمَّيَا عَبْدَ الْحَارِثِ Ils l'ont appelé عَبْدَ الْحَارِثِ فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. Cette histoire, comme هو معروف est ضعيفة. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il a cité في القول المفيد des points pour montrer qu'elle est ضعيفة. أي في السند وفي المتن. Elle est ضعيفة سندا ومتنا. قال Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah في القول المفيد il a cité plusieurs points wa nakhtasir qala al wajh al awwal annahu laysa fi dhalik khabar sahih an an nabi sallallahu alayhi wa sallam li anna adam bayna adam alayhi salatu wa salam et celui qui a rapporté cette histoire fa kam min qurun fa qui c'est qui les a informés هذا من أمور الغيب فلا بد من نص. Il faut un دليل. في القرآن on a pas هذا. في القرآن on a قوله عز وجل فلما آتاهما صالحا فجعل له شركاء إلى آخر. C'est pas cité أولا que c'est Adam et Hawa. Et toute cette histoire avec Iblis, avec Abd al-Harith, ça n'est pas cité. Donc, في القرآن on n'a pas un hadith صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه. هذا c'est مجرد قول. Et ça, c'est une faïda azima pour toi. Akhid Talib, anna al-aqwal, on ne les accepte pas forcément. Là, voilà où c'est le qawl d'un imam. Voilà où c'est le qawl, il est rapporté à un imam. Rubbama la yassi'an. Mathalan, huna, il est rapporté à un Ibn Abbas. Ou Ibn Abbas, radiyallahu anhumma, ma qala hadha. Lianna hadha fihi kama sayati ma'ana nisbatu al-shirk ila Adam. Lianna al-ta'bid li ghayri la, c'est du shirk. ولو سيسي مجرد من تسمية سيسي الشرك أصغر والأنبياء معصومون عن الشرك الأنبياء يفعلون بعض الشرك معاذ الله هذا أنت تستفيد منه من فائدة عظيمة أن كنت تجي فلان قال أولا التثبت إسكيل فريمون دي هذا الكلام ça peut être un imam ça peut être un صحابي ça peut être un نبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ce que cette personne elle prétend أو الصحابي Il dit, قال عمر ou قال أبو بكر رضي الله عنه. Et quand tu viens vérifier, أبو بكر et عمر, ils n'ont jamais dit هذا. وبعضهم يكذبون عيادا بالله. وبعضهم ils ont une niya حسنة, لكن à cause de les faiblesses في العلم وفي الحفظ, ils se précipitent, ولو ils ont une bonne niya, et ربما ils rapportent عن إمام أو عن صحابي, وأشد من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم, ils rapportent باللفظ. Et c'est du à peu près. Et il se trompe. Quand tu viens vérifier un tas, tu trouves que ce n'est pas هذا le kalam. Non. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man kathaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar » Et celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très très grave. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il prépare sa place fin nar. Limadha li anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son kalam, c'est le wahi, c'est la révélation. Son kalam, c'est haq, son kalam, c'est une preuve. فالمؤمن quand il entend كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما il va l'appliquer si c'est un ordre إما si النبي صلى الله عليه وسلم l'a mis en garde contre une chose il va s'en écarter إما si c'est une عقيدة quelque chose qui fait partie de l'iman il va croire فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم l'a mis en garde celui qui ment contre le prophète صلى الله عليه وسلم ولا شك أن المؤمن il veut pas mentir sur le prophète صلى الله عليه وسلم أبدا لكن البعض ربما à cause de الجهل et la précipitation il rapporte des choses où النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا فلهذا نكونسي لي فخير التأني خاصة عند الغضب خاصة عند المناقشة لأن الشيطان يجري مجرى الدم ربما الإنسان à cause de sa faiblesse dans la foi et العلم الشيطان il le gonfle il veut prendre le dessus ربما il cite des choses ولا يتحرى pour avoir le dessus هذا c'est très très grave أولا quand on parle في دين الله c'est pas pour avoir nous le dessus là L'essentiel, c'est que c'est le haq qui prend le dessus, qu'il soit avec nous ou avec celui qui est en face. Et ثانياً, l'insan, il fait attention, ça yus'al, ou ça nus'al jami'an, on sera tous interrogés. فَلِهَذَا النَّصِيحَنَا Quand tu veux parler sur un sujet ou tu veux conseiller, même si c'est important, même si tu as une bonne intention, إِحْذَرَ مِنَ الشَّيْطَانِ Anna, il te pousse et il te dit parle. Okay, tu vas le laisser parler ou tu vas le laisser partir. Et il va faire telle chose. Et anta rubama, tu t'avances dans des choses et t'es pas sûr. Si t'es pas sûr, fala yukallifullahu nafsan illa wusaha. Personne t'a imposé, personne t'a ordonné de parler. Fa nasiha, c'est que tu prépares ton sujet. Tu veux conseiller un proche, un parent, un ami, un voisin. Wahed avec un frère, t'es pas d'accord. Prends le temps. Tu dis à ce frère ou à ce proche, inshallah, je vais me renseigner sur le sujet et je te montrerai. Hatta celui qui t'écoute, c'est yatma'in. Il va savoir, annaka, tu défends pas ton œuf, tu te précipites pas, tu veux le haq. Anta, matalan, ce sujet, si tu as la qudra. Matalan, hada al-akh, c'est un talib ilm, il a la qudra, il sait rechercher dans les livres, il a akhari, falahu dhalik, c'est tayyib. Si tu peux pas, fa demande. Demande à un shir, demande à un talib, mais il va te montrer, maintenant, tel sujet, il va te dire, tel livre, tel shir, il l'a résumé, ou il va t'aider, il va te citer les adillah, alhamdulillah. Enfin, tu prépares des preuves min al-Qur'an al-Karim, des preuves min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kalam ahl al-ilm, c'est très important. Il y en a d'autres personnes, Obama, il va citer Kalam Haq. إما دليل من القرآن إما حديث du Prophète صلى الله عليه وسلم إما le كلام de Samuel, لكن ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça n'a rien à voir avec le sujet, il veut l'imposer à l'autre. فهذا لا يجوز. L'insan, il prépare مع كلام أهل العلم, et si c'est un sujet important dans un domaine important, là, بس, il le montre à واحد qui a plus de علم que lui. Alhamdulillah, vous allez voir qu'il y a حصل خير. Même celui qui t'écoute, il va dire Alhamdulillah, هذا il a préparé. Et هذا il sait de quoi il parle. Tout ça par rapport à ضعف هذه القصة. Cheikh Ibn Uthaymeen, imam, c'est un imam, rahmatullah alayhi, min a'immati sunnah. On voit combien de wajh il a cité pour montrer que la qissa elle est ضعيفة. Même si Ibn Abi Hatim l'a rapporté, même si Cheikh Al-Islam Muhammad Ibn Wahhab l'a cité dans Kitab Tawhid, elle est ضعيفة. Et هنا ننبه أن العلماء كثيرا يسيت دي حديث أو مثل هذه القصص الضعيفة ويعلمون ضعفها يساف très bien qu'elle est ضعيفة كثير منهم لكن أحيانا يسيت الضعيف إما لأن فيه فائدة par rapport à l'istidlal qu'ils veulent إما pour montrer الضعف أي يسيت هذا pour montrer أن هذا c'est ضعيف. Et à la kulihal, même si ce savant, cet imam, il cite en pensant que c'est sahih, si c'est daif, c'est daif. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de suivre al-haq. Ay ma tabata fil Qur'an wa sunnah. Amma mitla hadha al-kalam fa fihi intiqad. Intiqadat kathira al-ulama. Et ils les ont cités, Cheikh Ibn Uthaymeen, il les a résumés dans son sharh al-qawl mufid. Donc, premièrement, laysa fi dhalik khabarun sahih. Il n'y a pas de hadith sahih. Deuxièmement, أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. Ça montre que هذا المتن il est munkar. Il n'y a pas de contradiction في دين الله. C'est pour ça que tu trouves الأحاديث الموضوع المنكرة كثيرا فيها السند il est ضعيف, il est مظلم أحيانا. Et كثيرا tu trouves في المتن il y a des contradictions. فالعلماء يقولون أن هذا c'est ضعيف. On a beaucoup de textes qui montrent que l'anbiya ils sont ma'soumin an shirk. Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés, ils ne peuvent pas faire de shirk depuis Adam jusqu'à le dernier des prophètes, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucun des prophètes a fait du shirk. La asghar wa min babi awla al-akbar. Wa hadhihi al-qissa fiha annahum ils ont appelé leur fils Abd al-Harith et c'est du shirk Abd al-Harith. Ta'bidun li ghayrillah. Ah, ce point en haqiqa il suffit. كذلك قال شيخ ابن عثيمين ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية أي هذا الأكل. وتقدم معنى هذا حديث الشفاعة أي يوم القيامة أن les gens ils vont aller voir les prophètes pour qu'ils fassent الشفاعة لأن l'attente elle va être longue. وتقدم عن هذا الحديث. Et le premier qu'ils vont voir c'est Adam. Et Adam سيعتذر. Et il va montrer à ces personnes qu'il ne peut pas faire shafa'a. Pourquoi? Il a fait un péché et ce péché c'était d'avoir mangé de l'arbre et ce fruit. Cheikh Ibn Uthaymeen قال ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به اقوى واولى واحرى. Si il aurait fait عياذا بالله il est معصوم عن ذلك, لكن si il aurait fait vraiment ce shirk fa il l'aurait cité هنا لأن ce shirk c'est plus grave que d'avoir mangé de la pomme. فهذا et d'autres points que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité, celui qui veut les lire complètement fa القول المفيد de Cheikh Ibn Uthaymeen عند هذا الباب اي après cette قصة. على كل حال elle est ضعيفة. قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم, أما قول قتادة إلى صحيح وقول مجاهد كذلك إلى صحيح ثابت عنه. Et ma dhakarahu ani al-Hassan wa Sa'id fa c'est daif. Wa ala kulli hal, on va pas détailler fi hadhihi al-mas'ala fi ma'na al-aya. Nahnu ce qui nous intéresse min hadha al-bab, et c'est pour ça que le mu'allif il a cité hadha al-athar, أن التسمية التعبيد بغير الله عز وجل فسي حرام سيد الشرك. قال الشيخ السعدي رحمه الله قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله النعم بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم وتمام ذلك أن يصلح في دينهم فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه. هذا سلسلة خلاصة. Celui qui a eu un enfant en bonne santé, فيحمد الله سبحانه وتعالى. وحده عز وجل. Celui المنعم, celui الخالق, celui الرازق, celui qui a donné à ses parents هذه النعمة. ومن تمام الشكر c'est de donner, de choisir un prénom مشروع pour son enfant. أما donner un حرام فلا يجوز. أين الشكر النعمة؟ الله سبحانه وتعالى il a donné cet enfant à ce parent et au lieu de remercier بقلوبهم وبلسانهم وبجوارحهم الله سبحانه وتعالى فالبعض ينسون الخير عيادا بالله. Première chose qu'ils font c'est avec par rapport à cet enfant, c'est une ma'asiyah, lui donner un nom, iyadun billah, imma qui renferme une chose de mauvaise, imma ressemblance à des noms de kafara, imma shirkun, comme notre bébé, enfin, tout ça, les yajous. Amma al-kuffar, fa yahsul minhum hadha, li'annahum, c'est des kafara. Al-kafir, la ya'rif al-ni'ma, wa la yashkuruha. Lakin al-muslim, il doit s'écarter de hadha. المسلم إلى نجذب في نبيه صلى الله عليه وسلم أي سكعد هذا أي شوازي أنو مشروع أنو كلير كما تقدم معنا لأن البعض ربما ils veulent être reconnaissant et يجتهدون في البحث عن اسم حسن ils font des recherches pour choisir un prénom légiféré, lakin, à cause de l'ignorance, كذلك, البعض, ils veulent un nom que personne n'a. هذا, اصلا, فيه ما فيه. على كل حال, si c'est un nom qui est مشروع, un nom طيب, voilà, لكن البعض, ça les pousse, هذا, choisir des prénoms, et في الحقيقة, لا يعلمون المعنى. لا يعلمون المعنى. لكن هم, c'est la tonalité, le nom, فقط. أنه لطيب أو سيون مود أو بيرسون نولا اي افيك لو طون ربما يظهر أن هذا الاسم يغنفر معنى شركية ربما سان نون كي سي با نون عرب اي افيك لي ريشيرش يسابيرسواف كو سو نون في الحقيقة لو سونس إلي تخي غراف إما سي لو نون دون إيدول إما سي لو نون دو كالكو شوز عيادا بالله كي كونتخودي نوتخ الدين المهم ثم يسون دون سو كات الإنسان يجب أن يغير هذا البرنوم لأن التسمية بالحرام لا يجوز. لذلك تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى شانجي لكونية دو أبو الحكم إلى نومي أبو شريح رضي الله عنه. هذا سمونت كون دوا شانجي كونتي المخالفة. على كل حال من من من من النعمة أو من شكر النعم سي دو شوازير ان برينو مشروع وبدون تكلف ما با بيزون دو تكلف اكزاجيري دي ريشيرش بوندون ما ادري كومبيان دو طون فولوار تروفي ان نون كو بيرسونا او ان نون على مود او تو سا ما فيه اون غراند فائده بل احيانا فيه ضرر الانسان يشوازي دي نون كلير دي نون كي ايتي employé qui était répondu à l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et inshallah hada fihi khair et a'zam min dhalika at-tasmiya le nom ça reste un nom a'zam min dhalika at-tarbiya al-inaya bi at-tarbiya ça c'est min a'zam ash-shukr anna cette ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné c'est Allah qui l'a créé wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Et cet enfant, il est concerné par le verset. Satan s'y grandit, bien sûr. Quand il deviendra mukallaf, il devra adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ses parents, ils doivent éduquer cet enfant à la had. Cet enfant, depuis qu'il est petit, il est éduqué à la hub ad-dunya. ثم يغاندي وربما لا يعرف من حق الله عز وجل شيئا لا توحيد لا صلاه لا صيام ولا شيء لماذا لانه مسكين لا يتادوكي على هذا اين شكر النعمه في هذا الحال est-ce que le prénom va être utile ولو الى le افضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن ومحمد ça c'est bien افضل الاسماء est-ce que ça va lui être utile ابدا الانسان ne sera pas jugé sur son prénom il sera jugé sur l'a'mal Ma prénom, ça, même s'il est mauvais, tu le changes très rapidement. Al-A'mal. Hada, c'est min shukr. Hadihi. An-ni'ma. Éduquer son enfant à la tawhid. Limada, li'annahu, il a été créé que pour ça. Lakin, pour éduquer son enfant à la tawhid, il faut que ce père ou cette mère, eux-mêmes, ils soient à la tawhid. Mais comment éduquer son enfant sur une chose que l'insan, iyadam billah, il n'aime pas, ou il ne connaît pas, ou il ne maîtrise pas. C'est pour ça que vous avez remarqué que les parents, tu trouves, certains parents, mathalan, ils aiment le sport. Ils éduquent leurs enfants à la hada. Depuis qu'il est petit, il entend parler du sport. Et Obama, il a voyagé pour voir du sport. Et Obama, ils lui ont acheté des choses liées au sport. Ça va devenir en général un wahed qui aime le sport. D'autres, c'est la musique. D'autres, c'est la mode. D'autres, c'est... L'imad al-insan, il éduque son enfant sur ce qu'il aime. Où? C'est pour ça qu'on doit faire nous, des efforts fi tawhid hatta si Allah subhanahu wa ta'ala il nous rizq des enfants on les éduque ala hadhihi an'ima et cet enfant s'il est éduqué ala tawhid Allah azza wa jal bi idnillah subhanahu ça sera un enfant qawi depuis son plus jeune âge quwwa fi tawakkul quwwa fi al'amal quwwa fi al-hifd quwwa fi al'ibada quwwa fi al-shaja'a tu trouveras cet enfant il aura beaucoup de khair Et si grandit à la hada, falhamdulillah. Une épreuve, elle le touche, là, il était zaza. L'imada, il a des fondements solides. La yakhav min mustaqbal, il n'a pas peur de l'avenir, ou un afoulan, il ne va pas lui donner, ou il ne va pas trouver de travail. La yakhav min hada. Il fait des asbab, et Allah subhanahu wa ta'ala, il yiftaha ala mitla haoula. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah, fa'alayhim an yashkuru Allah ala in'amih. أو قبل ذلك وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله Et parmi les noms qui sont répandus de nos jours أي فيها تعبيد لغير الله عبد النبي النبي صلى الله عليه وسلم c'est un مخلوق c'est un بشر c'est أفضل الناس Et il n'y a aucun doute sur cela Et c'est خليل الرحمن عَزَّ وَجَلْ لَكِنْ لَا أُكُنْ بَارْ فِي الرُّبُوِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ فَالتَّعْبِيد c'est que لله النبي صلى الله عليه وسلم lui-même il a mis en garde contre هذا il était contre et tu trouves le بعض الآن في بعض بلدان المسلمين ils appellent leurs enfants عَبْدُ النَّبِي يَظُنُّونَ الْمَسَاكِينَ أنه c'est une preuve d'amour envers le prophète صلى الله عليه وسلم c'est une preuve d'attachement à la religion là ça c'est dû à l'ignorance Ad-din s'est fondé sur l'amal. Ad-din s'est fondé sur des actes, sur une croyance, sur le suivi. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit at-ta'bid li ghayrillah. Qala aw yudhifu an-ni'am li ghayrillah fa inna dhalika kufran lin-ni'am munafin lit-tawhid 'ala at-tafsil as-sabiq. Qala rahimahullah babu qawlillah ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi الآية قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب الرد على من توسل إلى الله بالأموات وأن المشروع التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا تقدم معنا أن التوحيد أقسام يعني plusieurs catégories de التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات Ces catégories, elles sont liées. Celui qui reconnaît, qui a la conviction, la croyance en Allah, c'est le créateur, celui qui donne la vie, la mort et la akhira, il doit l'adorer. Il doit l'adorer. Et là, le créateur et celui qui mérite l'adoration, qui est capable de tout, il a des noms, des attributs, Azza wa Jal. Enfin, les trois catégories, elles sont liées. فهنا المؤلف إلى ستة هذا الباب كما قال شيخ الفوزان حفظه الله أن البعض يتوسلون إلى الله بالأموات عيدا بالله إدلس هذا التوسل العظيم لماذا سيختنا ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ils veulent demander une chose et passent par des morts. Mathalan, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, un couple, et au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala directement, avec ses noms et ses attributs, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Arhamur Rahimin ila akhir, Ya Tawassaloun, Bilhah, et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à un mort, ou yuqarribouna shay'an ila al-mayyit, pour que ce mort il demande à Allah. C'est ça le tawassul. Et c'est un intermédiaire. وهذا لا شك تقدم معنا c'est du shirk. لماذا لأن ce mort il est mort. Comment un aqil fadlan an mu'min fadlan an mu'min muwahhid il peut demander à un mort. Ce mort il est fait qabri. Il est dans sa tombe, il peut rien. Il peut rien pour lui, il peut rien pour les autres. Fait qu'il lui demande. Alihada, ce tawassul, c'est très très grave. Ahoula limada, il demande. Les Naomi savent très bien qu'il est mort. Cette demande, fil haqiqa, c'est le fruit d'une aqida fasida. Les Naomi pensent qu'il est capable de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huna waqa'u fi shirk. La demande, ad-du'a, c'est du shirk. Et cette aqida, yadam billah, c'est du shirk. Et ils ont demandé que parce qu'ils ont cette aqida. Mathalan, si tu dis à Ahad Ha'oula, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ma na'abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. On leur demande, on les adore que pour qu'ils demandent, que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, si un tas tu lui dis, limana tu ne demandes pas à ce mur, Mathalan, qu'est-ce qu'il va répondre? Il sait que le mur, il peut rien donner. Il sait que le mur, c'est min al-jamadat. Falimada, il demande au mort. Il pense que le mort, il peut. C'est ça, shirk. Iyadam billah. Il serait vivant, et tu lui demandes qu'il fasse dua pour toi, c'est autre chose. Amma, il est mort. Et avec tout cela, il délaisse mitl hadhihi al-ayah al-azima. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Amrun min Allah. Et ça, ça nous montre, et ça, c'est min al-adab fi du'a. Et on ne doit pas nous négliger ça. Quand tu fais du'a, akhil karim, ne te précipite pas. Un du'a, c'est quelque chose de azim. Enfin, tu dois te préparer. Ou t'akhtar, awulan al-waqt al-munasib. Il y a des moments, c'est mieux que d'autres. Et kadhalik, des situations, elles sont mieux que d'autres. Matalan, celui qui a subi une injustice, celui qui est fi shidda, il est dans une épreuve, il souffre. Bah, fi hadha al-hal, c'est afdal. Kadhalik, il y a des moments. Matalan, le dernier tiers de la nuit, matalan, fi soujoud, matalan, le vendredi, avant al-maghrib, après l'asr, ala sahih, et entre l'adhan et l'iqama, muhim, beaucoup de moments, anna al-du'a, c'est afdal. Fahadha. كذلك حال الإنسان أنه يسكر du حرام يمانش با du حرام يسابي با avec du حرام كما جاء في الحديث من الأدب كذلك c'est que tu ne te précipites pas. بعضهم ربما يدعو et il n'est pas concentré et هكذا على الطريق c'est très rapide بدون خشوع. لا الإنسان quand il est أحيانا t'as une demande à faire à un bachar ça arrive et tu essayes d'avoir un bon comportement, de lui demander de la meilleure des façons, de ne pas le déranger, de choisir le moment bénéfique. Il a akhri. Amma ad-du'a l'an, c'est une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. L'insan, il faut qu'il ait un bon comportement. Et parmi ses comportements, c'est de demander avec un nom parmi les noms d'Allah. الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم et quand tu demandes avec des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala كما سيأتي من كلام الشيخ سعدي لا c'est un كلام نافع قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هي نعم ça كذلك c'est une autre مناسبة. Pourquoi المؤلف رحمه الله il a cité هذا الباب هنا, لأن البعض عياذا بالله أخذوا من أسماء الله عز وجل des أسماء pour leurs idoles, et ils ont déformé les noms d'Allah سبحانه وتعالى pour leurs idoles. اللات ils l'ont pris de Allah, والعزة ils l'ont pris de عزيز, العزيز وهكذا. الشيخ سعدي رحمه الله إلى كلام جميل فنقرأه. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى, ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة, والتعبد لله بها ودعاؤه بها. حقيقة في هذه الجملة إلى résumé beaucoup de خير. Ça nous montre l'importance de connaître les noms d'Allah سبحانه وتعالى. وتعلمون أن chaque nom renferme un attribut d'Allah سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أسماء الله أسماء حسنى, ولله الأسماء الحسنى. فمثلا العزيز, الله سي العزيز فعمي سنو العزيز. لماذا؟ لأنه له صفة العزة, والقوي صفة القوة, وهكذا طول نوم الله سبحانه وتعالى. فconnaître ces noms et connaître leur معاني أي leur sens, c'est مهم, c'est très très important pour le mu'min. لماذا؟ قال الشيخ سعدي وما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة والتعبد لله بها. كذلك التعبد أي أدوري الله سبحانه وتعالى, أي سينو يزوا سنس يزوا impliquer beaucoup de choses. فأنت تأدوري الله سبحانه وتعالى, أي en connaissant le sens et ce que ça va impliquer, tu vas adorer Allah سبحانه وتعالى avec beaucoup plus de ikhlas, et tu vas trouver un goût, une saveur à cette adoration que ceux qui ignorent هذه الأسماء ils n'ont pas. كذلك والتعبد بها ودعاؤه بها. كذلك هذه الأسماء on doit faire الدعاء en citant ses noms. مثلا si tu demandes à Allah سبحانه وتعالى t'es fait شدة, et tu demandes à Allah سبحانه وتعالى أن يرحمك, tu cites le nom de Allah سبحانه وتعالى qui est lié à cette chose, الرحمن الرحيم أرحم الراحمين الكريم وهكذا. قال الشيخ سعدي رحمه الله فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى. هذا الذي ذكرنا. فسي tu demandes مثلا quelque chose من الرزق, tu demandes Allah من رزقه عز وجل, فتو prends un nom qui est مناسب. يا رزاق مثلا من أسمائه عز وجل الرزاق, et tu fais ta demande. قال فمن دعا لحصول رزقه فليسأل باسمه الرزاق ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك. Et ça c'est من أعظم أسباب الاستجابة. Ça c'est parmi des causes que la dua elle est exaucée. الإخلاص bien sûr, وأكل الحلال إلى آخره, et التوسل بأسماء الله عز وجل. أي avant de faire ta demande tu cites les noms d'Allah سبحانه وتعالى, certains noms, أي par rapport à la situation. قال وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلي بأجل المعارف. في هذا الباب هنا تقصير كبير. أي connaître les noms d'Allah سبحانه وتعالى, لأن pour invoquer, pour demander, il faut les connaître. Tu ne peux pas demander, invoquer avec un nom que tu ignores. وكذلك connaître les sens. Et ça c'est très très important. والعلماء لهم كتب نافعة في هذا. الشيخ سعدي رحمه الله إلى جمعوا من كلامه من رسالة في شرح أسماء الله الحسنى elle est nafi'a jiddan. Et d'autres savants. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر qu'on lise cette risala, une risala في شرح الأسماء أسماء الله عز وجل. C'est très très important. وتأمل كلامه الآن. Il va citer des exemples pour te montrer l'importance de هذا الباب. قال فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما وإجلالا لله. Celui qui connaît ce genre de nom, أن الله سبحانه وتعالى c'est العظيم. Qu'est-ce que ça va provoquer à ce mu'min? Ça va changer sa vie. أنه ما من شيء, une chose qui est haram, avant de la faire, vu qu'il connaît ce nom et connaît le sens, أن الله c'est العظيم, c'est le كبير عز وجل, c'est le متكبر. Ça y a dans son cœur, il y a quelque chose qui va bouger, et ça va pousser ce abd à respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, à reconnaître ses faiblesses. Il dit, et les noms du jamal, de l'amour, de القلوب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا أن الله سي الكريم سي الرحمن سي الرحيم سي البر عز وجل تسنو الإنسان يبقى إسبيري Il va espérer maintenant que Allah lui pardonne et que ذلك il va être pressé de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى il a ses أسماء عظيمة أنه يبardon أنه il est miséricordieux, أنه عز وجل il est كريم, il est généreux. لا شك que هذا العبد ça va provoquer dans son cœur ce que ça va provoquer. خوف avec les premiers noms et avec ces noms محبة ورجاء. C'est pour ça que celui qui connaît ces noms في الحقيقة ça va changer sa vie. Et quand il ira le Coran ça sera plus la même chose. Et quand il fera الدعاء ça sera plus la même chose. نحن في الحقيقة on a une énorme faiblesse في هذا أن ces noms qui sont cités كثيرا في القرآن qui sont cités في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ces noms في الحقيقة c'est un moyen عظيم pour se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها que ce soit دعاء المسألة la demande أو l'adoration دعاء العبادة. Vu qu'on a un taqsir avec hada, là chaque on aura un taqsir fil ibada. Pourquoi on n'a pas de saveur, on ne trouve pas de motivation ou de goût à faire tel ibada, que ce soit la lecture du Coran ou autre? Il y a un naqs, il est ici. C'est pour ça que hada al-bab, c'est une priorité fi dinillah. Et c'est pour ça que le mu'allif il l'a cité fi kitab tawhid. Parce que hada, c'est la base du tawhid. Parce que tous ces ahkam qu'on a vus ensemble, hein, il faut adorer Allah seul, il faut sacrifier que pour Allah, il faut invoquer qu'Allah, il ne faut pas faire de shirk. Tous ces ahkam qu'on a vu dans le kitab tawhid. La base c'est هذا الباب. لأن هذا الرب qu'on adore, il a des noms et des attributs. Enfin, si tu maîtrises ces noms et ces attributs, مثلاً, est-ce que celui qui sait qu'Allah il est hay, il est vivant, il entend tout, il voit tout, il est capable de tout, il donne sans compter, il pardonne, il répond quand on lui demande. Celui qui connaît tout ça, est-ce qu'il va aller demander à un mort? Il va demander à Allah, Al-Ghani. Min asma'ihi Al-Ghani. Al-Ghani, ça vient de Al-Ghina, la richesse. Et Allah, il possède tout. Qu'est-ce qu'on va demander à un faqir qui ne possède rien, qui est mort? Allahu a'lam bihalihi. Et on va délaisser Al-Ghani, Al-Karim. Il est Ghani, Azza wa Jalla, il possède tout. Et il est Karim. Il donne sans compter Azza wa Jalla. Falimada demander à un mort. Haoula, pour essayer de les convaincre, si tu as un proche, fataqulu lahu mathalan, est-ce que wahed, mathalan dans la rue, il a besoin d'argent. Et il va mendier. Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il va aller demander à un mendiant comme lui? La yuqal hada. Si tu dis à Haoula, mit la hadi l'amzila, la'allahum ya'qiloun. Il va te dire là, qu'est-ce que je veux demander à un mendiant comme moi? Il a rien, lui-même il demande. فنحن on leur dit فكيف tu demandes à un makhluk comme toi et en plus il est mort. فكيف هذا؟ هو il va dire mais il est mahboub عند الله, tout ça c'est du kadib. Même s'il est mahboub عند الله, أولاً qui c'est qui t'a dit qu'Allah il l'aimait? ثانياً la créature que Allah il aime le plus, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit d'adorer les tombes, de demander aux morts. Ben Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a interdit. وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٍ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les adillahs, ils sont clairs. N'invoquez avec Allah personne. Ahad, ça englobe tout le monde. Et tu trouves, هَوْلَا مَسَاكِينَ. الشيطان les a égarés من هذا الباب. لماذا؟ لأنهم يكونسوا pas les noms et les attributs. Vous avez remarqué qu'à notre époque, c'est beaucoup de l'apparence. Dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de maisons de musulmans, tu trouves des cadres avec tous ces noms. Les 99 noms. Et ta'alamou, le nom sahih, il n'y a pas que 99 noms. Il y a beaucoup plus. لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. لكن جاء في الحديث celui qui mémorise 99 noms. المهم, ils accrochent des cadres où il y a ces noms. Et tu vas trouver ce genre de noms. Al-Azim, tu vas trouver Al-Rahman, tu vas trouver Al-Karim, tu vas trouver Al-Hakim, Al-Alim, tous ces noms que Cheikh Saadi est en train d'expliquer. Lakin, est-ce que ce tableau qui est accroché, il y a un effet sur ce abd? Abdan. Tu peux accrocher dans tous les murs de ta maison ce tableau, ces tableaux avec tous les noms d'Allah, et dans chaque chambre, si tu ne les connais pas et tu ne les mets pas en application, que ce soit dans l'adoration ou en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'aucune utilité. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un foyer, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs appartements, il avait plusieurs femmes. Abadan, il a accroché ses noms, ils auraient pu dans les murs. À son époque, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient écrire. Et ils auraient pu faire des tableaux, forme de couture ou de peinture en écrivant. L'imam, ils ne l'ont pas fait. L'imam, c'est une perte de temps. L'akinhum, ils ont donné de l'essentiel, du temps à l'essentiel. Ils connaissaient ces noms. Et maîtriser ces noms, ils ont vécu avec ces noms. Maintenant, dans cette maison, tu trouves des cadres énormes. En Allah, c'est le Sami', c'est l'Alim, c'est le Basir, il a akhiré. Sous le tableau, il fait du haram. Peut-être qu'il fume, peut-être qu'il regarde quelque chose de haram, peut-être qu'il parle sur les gens, peut-être qu'il insulte, peut-être qu'il ment, peut-être c'est l'heure de la salat et il est assis sous son tableau. Aina ma'na hada al-ism wa ta'abbud lillah. Allah il te voit, c'est toi-même qui accroches le tableau. C'est écrit al-Basir. Allah il t'entend, al-Sami', fa limadha taqul haram, limadha taf'al haram. Mais celui qui a ses noms dans son cœur, il les connaît et il les met en application. Quand c'est l'heure de l'Aden, il sait qu'Allah il le voit, il sait qu'Allah il l'entend. As-salat. Quand il veut parler sur les gens, il sait qu'Allah il l'entend, tout est écrit, il s'arrête. C'est ça l'utilité de هذا العلم. Amma accrocher ses cadres, iyadam billah, c'est devenu une belle loi. Et كأن البعض في الحقيقة, c'est pour se rassurer. بعضهم يمت ils mettent dans leur véhicule, dans leur voiture. Kana, c'est pour se rassurer, je suis un musulman. Thumma chez eux, il faut ce cadre, ils font un mushaf, kadalik. Lakin, le but, c'est de connaître Ya Jama'a. Le but, c'est de mettre en application. Amma mujarrad, des prétentions, de l'apparence, des étiquettes, fala yanfa'a. C'est d'aucune utilité. On sera jugé sur notre croyance et sur nos œuvres. Amma la couleur de peau, la grandeur, l'apparence, il a. C'est pas sur ça qu'on sera jugé. قال الشيخ سعدي رحمه الله فمثلا أو قرأناه قال وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه. نعم, لماذا؟ لأن الله il est capable de tout. Pourquoi les demander à un autre? Allah il est capable de tout. في الحقيقة celui qui demande à un autre, il n'est pas convaincu. Si tu es convaincu qu'Allah il donne tout, va te demander lui. Tu n'as plus qu'à lui demander. En plus, il te répond. وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. قَالَ وَأَسْمَاءُ الْعِلْمِ وَالْخِبْرَةُ وَالْإِحَاطَةُ وَالْمُرَاقَبَةُ وَالْمُشَاهَدَةُ تَمْلَأُ الْقَلْبَ مُرَاقَبَةً لِلَّهِ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَحِرَاسَةُ الْخَوَاطِرِ عَنِ الْأَفْكَارِ الرَّدِيَّةِ وَالْإِرَادَاتِ الْفَاسِدَةِ. Celui qui connaît les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, hatta sa pensée, ce qu'il pense, personne ne sait, ça changera. Limada? لأن الله سبحانه وتعالى سي العليم سي تو يعلم السر وأخفى il connaît السر السر c'est quelque chose de caché وأخفى من السر أي c'est pour montrer أنه il connaît tout حتى ce qu'il a dans le cœur ce qu'il pense il fera attention لأن الله سبحانه وتعالى سي العليم سي الخبير الله سبحانه وتعالى سي الرقيب المراقبة ça va impliquer quelque chose de عظيم. Et que tout ce que tu fais, Allah il le sait. C'est comme si tu étais surveillé. Voilà, chaque que tu vas faire attention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. C'est l'awwal, c'est l'akhir azza wa jal. Fallait celui qui a cette connaissance, voilà, chaque ça changera sa vie. Amal ba'd, vu qu'on a un va'f fi hada, rien, on a un comportement. Quand on est dans une situation, quand on est tout seul, on a un autre comportement. Les mains d'Aliana, on a des faiblesses fi hada. وإلا فالمؤمن العابد الصالح سعد لله qui soit devant un public qui soit seul qui soit dans une salle obscure qui soit en pleine journée c'est la même chose Allah il le voit عز وجل قال وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال أي أن الله سبحانه وتعالى c'est الغني c'est اللطيف. C'est Al-Kerim, c'est lui qui donne. Hada, ça va remplir le cœur de ce mu'min, annahu, et sera sûr que Allah, c'est lui qui donne. Et ce abd, il est faqir il Allah. Enfin, ça va le pousser à Mada, à revenir au Rani. Et ne pas placer sa confiance sur un makhlouq. Le makhlouq, il est daïf. Kadhalik, ça demande, c'est à Allah, subhanahu wa ta'ala, kadhalik. Ne pas s'humilier vers les autres, tendre la main vers les autres, et Rabbama Wahad, un il te donne, un jour il ne te donne pas, et tu humilies. Tout ça, c'est un problème vimada. Et Hadalbad. Ama celui qui est qawi vi Hadalbad, son tawakkul, et sa confiance, c'est fillah azza wa jalla. La fi rien. Ama al-bashar, les créatures, ça reste des causes. Et il les prend comme cause. Si c'est halal, c'est halal, c'est haram, il s'écarte. Qala, هذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها. Ça, cette connaissance, ce passage qu'on vient de lire de Cheikh Saadi, connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la compréhension des salaf et mettre en application. C'est la mise et la compréhension et la mise en application du Coran. Il y en a ces noms, ils sont cités kathiran dans chaque surah, dans la plupart des versets. Tu as des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, celui qui donne du temps à l'apprentissage de ces noms et mettre en application, adorer Allah subhanahu wa ta'ala bi muqtada hadhihi al-asma. Ces noms, ça va impliquer des choses. Et on vient de lire les exemples de Cheikh Saadi. C'est une des plus grandes ni'am à l'abd. L'insan, il fait attention, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que les loisirs. Il n'y a pas que le travail. Ça, c'est que des choses, c'est des causes pour donner du temps à cette priorité, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous a créés que pour ça. Et pour qu'on croit en lui et on l'adore. Et l'échec, cette croyance et cette adoration, elle doit être fondée sur l'ilm, les connaissances, la science. Ama l'ignorant, même s'il a une bonne intention, il ne peut pas. Il ne peut pas appliquer cela. C'est pour ça que tu trouves ceux qui accrochent des tableaux du Coran, ils accrochent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kathir minhum, la plupart, la grande majorité, si ce n'est pas tous, ils ont une bonne intention. S'il accrochait, c'est qu'il l'aime. Lakin, il est où le problème? C'est dans l'intention. Quand tu leur dis que c'est haram, ils ne comprennent pas. Certains ils font des raccourcis très dangereux. Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas accrocher? Tu n'aimes pas le Coran, tu n'aimes pas les versets. Ça, c'est l'ignorance. Là, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est c'est de aimer ce Coran et de l'appliquer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Maintenant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que dans le masjid al-Nabawi, dans les murs, c'était décoré avec des versets? Ah, ben, il n'y a aucun délit, et c'était pas comme ça à leur époque. Lakin, le Coran, il était appliqué. Quand ils ont demandé à Aisha radiallahu anha, فقالت, quand ils lui ont demandé le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, خلقه القرآن. هنا في التنبيه أن البعض يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي هذا لا ينبغي. ربما si on l'a déjà dit dans un درس هذا c'est un خطأ. لا ينبغي de dire مثل هذا في الرواية كان خلقه القرآن. أما accrocher فأين الفائدة. Une autre chose pour convaincre هؤلاء quand tu parles avec مثل هؤلاء, est-ce que مثلاً, les recettes de cuisine. Est-ce que les gens, ils affichent, ils accrochent ces recettes sur les murs dans la cuisine? Abedan. Il m'a allé dans son téléphone, il m'a allé dans un livre, il la connaît par cœur. Le but de cette recette, c'est quoi? C'est de mettre en application et de faire ce plat et de profiter. C'est ça le but. Le wahed là, il t'invite chez lui et tu vas dans la cuisine et il y a que des recettes affichées. Et il te dit, t'en vas dans le regard. Qu'est-ce que tu vas profiter? Est-ce que c'est ça le but? Les recettes, on n'a pas besoin de les accrocher. Le but, c'est l'application. Le but, c'est pas d'accrocher là. Peut-être que certains, ils n'ont pas tout ça. Lakin, il connaît le Coran par cœur. Il n'a pas de choses accrochées. Peut-être qu'il n'a qu'un mushaf. Là, qui connaît le Coran par cœur, il le met en application. Tu trouves certains, ils ont des dizaines de masahif, le Coran accroché, il a akhri, et fil amal, il n'y a pas grand chose. Wallah musta'an. Qal al-Sheikh Sa'di rahimahullah, wa hiya afdal al-ataya min Allah li'abdihi, wa hiya rouh al-tawhid, wa hiya na'am, rouh al-tawhid, wa rouhi. On fait des efforts fi hadha, ya jama'a. Sheikh Sa'di nous a facilité jiddan. Il a résumé et nastavid min hada ad-dars anna la chose la plus importante c'est hada. Ne perds pas ton temps dans des choses futiles. Même la langue arabe qu'on essaye d'apprendre, même le Coran qu'on s'efforce de mémoriser, même les doros qu'on fait, que ce soit fil usul, que ce soit fil mustalah, que ce soit fi tawhid, ila akhiri, c'est pour haqqaq hada. C'est pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi et l'adorer bi muqtada hadhihi al-ma'ani al-jalila. Notre objectif, ça doit être hada. On n'apprend pas l'arabe pour connaître l'arabe. Ba'du al-kafara, ils connaissent l'arabe. Ba'du al-yahoud. Min abghad khalqillah, c'est l'yahoud. Parmi les pires créatures, c'est l'yahoud, les juifs. Ba'du, ils connaissent l'arabe, ils parlent en arabe. Que ce soit au Moyen-Orient ou autre. C'est pas ça la priorité. On cite l'exemple de l'arabe, il y en a, c'est important, lakin ça reste un outil pour haqqaq hada. Qala wa man infataha la hada al-bab infataha lahu bab at-tawhid al-khalis wal-iman al-kamil alladhi la yahsul illa lil-kummal min al-muwahhidin. Man infataha lahu hada al-bab. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala facilite et cette porte elle s'ouvre pour lui. Et cette porte de ilm, il connaît ses noms, il connaît les attributs, il connaît le sens, il connaît ce que ça implique. Hada la shak annahu son tawhid, son ikhlas, il sera beaucoup plus important qu'un autre. Qala in fatahu lahu bab at-tawhid al-khalis. Et tu trouveras que hada al-abd sera très très loin du shirk. Limadha li'anna il a des connaissances, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala et il connaît Al-Bashar, la créature. Comment je veux demander à un être humain qui a été enterré il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, Kayfad. Et je ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Na'oudu billah. Qala, wal iman al-kamil alladhi la yahsul illa lil-kummal min al-muwahhidin. Ha'oula, c'est le haut niveau fi tawhid. Kama akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. أن يدخل يوم القيامة في الجنة 70,000 من أمتي عليه الصلاة والسلام بلا حساب ولا عذاب. سي هؤلاء كي حقق التوحيد تحقيق التوحيد وتقدم معنا سي بماذا C'est bi ma'rifati al-asma wa sifat, et mettre en application. Ha'oula, parmi leurs récompenses, anna yawm al-qiyamah, ils rentreront fil jannah sans rendre de compte. Et bien sûr, sans se faire châtier. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité parmi leurs caractéristiques, wa ala rabbihim yatawakkaloun. Pourquoi? Pourquoi ils ont placé leur confiance en Allah Azza wa Jal? Les anahum, ils connaissent Allah Azza wa Jal. Ilmun, qui est fondé sur le Coran ou le Sunnah. Pourquoi wa'ad al-Nas? Ils arrivent à un niveau, wa nas'alullah salam, ils arrivent à un niveau anahum, ils ne demandent plus Allah subhanahu wa ta'ala, ils demandent à un mort. Limada? Parce qu'ils n'ont plus confiance. Ils auraient confiance, ils auraient demandé à Allah Azza wa Jal. Limada, ils reviennent à ce mort. Les anahum, ils désespèrent, et Shaitan, il leur a fait croire, anna, vu que, iyadam billah, tu n'as plus confiance que Allah il te réponde, il te donne, enfin, demande à cette créature elle va demander à Allah et Allah il va te donner. C'est ça shirk, iyadam billah. Cet intermédiaire qu'il a pris, c'est ça exactement le amal de Kuffar Quraysh. Et ces personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a combattu, il a détesté. Fillahi azza wa jal. قال الشيخ سعدي رحمه الله وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى. C'est pour ça que c'est un fondement de notre dîn. Tawhid ou l'asma ou sifat. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Kadalik, il a cité هذا الباب هنا, لأنه c'est من التوحيد. Et son livre Kitab al-Tawhid, là, chacun a la plupart, c'est sur Tawhid al-Ibada, lakin, il y a certains chapitres, c'est sur Tawhid al-asma ou sifat. نسأل الله سبحانه وتعالى أو باقي أما نعم. قال وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم منافى. والإلحاد أنواع, أي قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه وذروا الذين يلحدون في أسماء. Après avoir démontré رحمه الله les bienfaits de هذا التوحيد l'importance des noms et attributs, هنا il y a une مسألة عظيمة مهمة. Faire attention à une chose qui contredit cette base. Al-ilhad. Qala, ou al-ilhad anwa. Al-ilhad, c'est al-mail. Pour vous donner un sens approximatif, s'écarter, dévier. Fal-haqqu, c'est croire en ses noms. Et ses noms, ils renferment un attribut parfait. Et on croit que Allah, il a ses noms, il a akhri, sans déformer, sans les rejeter. Taqaddam ma'ana kathiran. Wa la'alla dans un des abouab fil akhir, on essaiera de résumer hala. Ou fi kutub al-aqida. Fahad al-ilhad, c'est le fait de s'écarter an il-haq. Falihada qala azza wa jal, wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ih. Fahad al-ilhad, il y a plusieurs catégories. Il les a résumées ici, rahmatullah alayhi. Imma an yanfi al-mulhid ma'aniha, kama taf'aluhu al-jahmiya wa man tabi'ahum. بعضهم ils ont complètement rejeté les noms كالجهمية هؤلاء ذي كفرة العلماء ils les ont fait sortir de l'islam. عندهم الله il a pas de nom, et كذلك s'il a pas de nom c'est qu'il a pas d'attribut. هؤلاء ذي كفر. Certains ils ont accepté les noms lakin ils ont rejeté les attributs. المعتزلة في الحقيقة يؤمنون بأسماء مجردة. C'est pour ça qu'on a dit parmi la croyance des gens de la sunna c'est que chaque mot il renferme un attribut. فالعزيز إلى العزة السميع إلى صفة السمع إلى أنطان البصير إلى صفة البصر يفوى. عند المعتزل الله سي البصير. لماذا؟ لأن يا بكود فرسة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبقوا الله سي السميع سي البصير. Si tu lui dis donc Allah il voit et il entend, يقول pour eux Allah il voit ou c'est السميع il entend, لكن si tu lui demandes est-ce qu'il entend, là c'est qu'un nom. Est-ce que هؤلاء آمنوا بالاسم في الحقيقة؟ لا. هؤلاء كذلك ils font partie de المعطلة. منهم ils ont accepté les noms et ils ont rejeté certains صفات الأشاعرة. Et ces groupes والله الحمد on les a étudiés, ou certains de ces groupes on a étudié ensemble dans notre série sur les sectes. قال وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين. Deuxième cas, le premier cas c'est le fait de rejeter, de ne pas croire en ces noms ou une partie de ces noms comme les attributs. Deuxième cas, wa imma bi tashbihha bi sifatil makhluqin. Ayyadan billah. Qala kama yaf'aluhu al-mushabbiha min ar-rafida wa ghayrihim. Ay font ressembler les noms d'Allah au nom de la créature. Ayyadan billah. Fa Allah c'est Sami', fa pour eux c'est comme l'insan qui entend. Li anna l'insan kadhalik il est Sami', il entend. Il est basir, il voit. Fa'indahum, c'est la même chose. Et ça, c'est très très grave. Les isakamit, les ishay, Allah, il ne ressemble pas aux créatures. Qala, wa imma bi تسميه المخلوقين بها كما يفعل المشركون حيث سموا اللات من الاله والعزى من العزيز ومنات من المنان فاشتقوا لها من اسماء الله الحسنى فشبهوها بالله ثم جعلوا لها من حقوق العباده ما هو من حقوق الله الخالصه le troisième قسم c'est notre bête ان البعض ils ont déformé les noms d'Allah et ils ont donné ce nom qui ressemble au nom d'Allah à leurs idoles مثلا اللات Ça vient de l'Ilah. L'Ilah, c'est min asma illa. Azza wa jal. Ou al-Uzza. Ça ressemble à l'Aziz. Enfin, ils ont donné ces noms à leurs idoles. Enfin, ils ont fait ressembler ces idoles avec Allah subhanahu wa ta'ala dans Tasmiyah, dans les noms. Et que dhalik, ça, ils ont adoré hadhi al-awthan. Ayyadam billah. Fa waqa'u fi shirk, que ce soit fi al-Tasmiyah hadhi ou. Dans leur a'mal, ay abadu ghayr Allah. Qala fa haqiqatu al-ilhad fi asma'illah huwa al-mayl biha an maqsoodiha lafdhan aw ma'na. Imma déformer le nom, ou le rejeter complètement, imma déformer le sens. Ça englobe al-jahmiya, al-mu'tazila, al-mushabbiha, et tous ceux qui se sont égarés fi bab al-asma. Qala tasrihan aw ta'wilan aw tahrifan wa kullu dhalik munafin lit-tawhid. والإيمان وهذه الأبواب المهمة أي qui sont liées au nom d'Allah aux attributs d'Allah aux égarements des sectes في هذا الباب في كتب العقيدة et كذلك ولله الحمد on a déjà étudié ensemble plusieurs de ces sectes et leur égarement dans les noms d'Allah et les attributs هذا الدرس مهم هذا الباب كلام الشيخ سعدي إلي نافع جدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه نكتفي بهذا notre prochain درس إن شاء الله تعالى مغدي نكمل أو نقرأ ما تيسر les derniers abouabs c'est très court enfin, on en prendra plusieurs إن شاء الله et c'est très simple فبقي قليل بقي peut-être 2 semaines فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق